l'arrivée du comte de Lerne, les astres secondaires qui avaient gravité jusque-là autour de la jeune femme s'éclipsèrent successivement avec un sentiment mélangé de dépit et de déférence. Car tout en calomniant généralement les relations de madame de Montrescan et de son ami, généralement aussi on y sentait quelque chose qui méritait le respect. Mais avant de se trouver seul en tête-à-tête avec Jeanne, monsieur de Lerne avait eu le temps de faire à part soi quelques réflexions assez amères. Debout en face d'elle, il lui semblait, tant il était frappé de son élégante beauté, qu'il la voyait et l'admirait pour la première fois. Elle portait, avec la chasteté de Diane, les modes indécentes de son temps, et montrait, hors de son mince corselet sombre, son buste presque entier et ses bras souples et purs. Ses cheveux noirs, plantés un peu bas comme ceux des déesses, étaient tordus simplement en un lourd chignon qui retombait sur la nuque. Sa tête, attirée en arrière par leur poids, se dressait un peu raide dans une pose fière et victorieuse. Elle se sentait en beauté et elle en riait, laissant entrevoir l'éclat de ses dents entre la pourpre de ses lèvres un peu épaisses. Devant cette créature charmante, animée de toutes les grâces de l'intelligence et de toute la vie de la passion, Jacques ne put se défendre d'un mouvement presque sauvage de désir, de regret et de colère. Il l'avait respectée. Il s'était fait cette violence. Il avait eu cet héroïsme fou. Et voilà comment il en était récompensé. Avec l'étrange et rapide pénétration des femmes, madame de Montrescan parut surprendre quelque chose de cela dans les regards ardents et troublés du jeune homme. Une faible rougeur passa sur ses joues brunes. Elle tourmenta son éventail avec un peu d'embarras, et levant son front presque timidement, « Vous n'avez pas vos bons yeux ce soir ?» lui dit-elle. « Qu'est-ce qui vous prend ?» « Vous êtes si belle !» dit Jacques d'une voix basse. « Vous me faites mal !»« Ça passera !» dit-elle en riant. « Voyons, mon ami, pas d'observation de ce genre-là. À quoi ça sert-il? Est-ce que vous redevenez matérialiste ?»« Je le suis passablement pour le quart d'heure. »« Vous m'attristez, vous savez. »« Mais enfin !» dit-il en s'asseyant. « Je ne suis pas un pur esprit. »« Eh bien, moi, j'en suis un, » dit-elle avec un rire d'enfant. « Et j'en suis enchantée. Et du reste, c'est votre faute. » Puis tout à coup, d'un ton sérieux et pénétré, « Ah !» reprit-elle, « si j'étais sûre que vous fussiez heureux, mon ami, comme je serais heureuse moi-même. Voilà ce que je me disais tout à l'heure avant votre arrivée. » « Êtes-vous donc vraiment si heureuse ?» demanda-t-il d'un accent un peu ému. « Heureuse, heureuse, heureuse » répondit-elle avec une gracieuse effusion. « Et par vous, vous pouvez vous en vanter. Il y a même des moments où je suis comme épouvantée de mon bonheur, où il me semble que c'est trop beau. Songez donc, » poursuivit-elle en baissant un peu la voix. « J'aime, je suis aimée. Et tout cela sans trouble, en paix, sans un remords dans le présent, sans une crainte dans l'avenir. Car grâce à Dieu, et à vous, mon ami, je verrai venir sans effroi cette première ride qui est le spectre et le châtiment des communes amours. Je sens que je vieillirai sans peine, presque avec joie même, parce que, moins jeune, je serai plus libre, moins asservie aux convenances, plus rapprochée de vous. Moins compromettante, enfin. Ainsi, par exemple, je me fais une fête délicieuse de pouvoir un jour voyager avec vous. Et pour cela, il faut vieillir. Mais en attendant, si vous saviez comme la vie, comme le monde se sont transformés pour moi, depuis que je suis aimée comme je veux l'être. Soyez un peu fiers, je vous prie, du miracle que vous avez accompli. Il semble que vous ayez modifié, élevé, épuré tous mes sens, tout mon être, que vous m'ayez enseigné, comment dirais-je cela, le sens divin des choses, que vous m'ayez appris à voir, à comprendre, par le côté noble, tout ce qui existe, tout ce qui frappe mes yeux et ma pensée. J'ai ainsi des joies inconnues de tout le monde, des joies du ciel, des plaisirs d'ange. Tout ce qui passe sous mes regards est éclairé d'une lumière nouvelle et revêt une beauté que je ne connaissais pas. Tenez, c'est un enfantillage, mais tantôt, en me promenant au bois, je regardais les arbres, qui me laissaient bien tranquille autrefois, et je me disais « Mon Dieu, que c'est beau un arbre! Comme c'est fort! Comme c'est élégant! Comme c'est vivant !» Il n'y a pas un objet dans la nature, pas un brin d'herbe qui ne me cause maintenant de ces étonnements, de ces extases. Je suis sûre, ne le pensez-vous pas, que toutes les choses de ce monde ont deux faces. L'une matérielle, en quelque sorte, et vulgaire, qui est ouverte et visible à tous. L'autre, mystérieuse, idéale, qui est le secret et la marque de Dieu. Et c'est celle-là que je vois avec les yeux que vous m'avez faits. Voilà votre ouvrage, mon ami. » Pendant qu'il l'écoutait avec de secrètes angoisses, le visage de Jacques avait pris peu à peu une expression très douce et très grave. « Oui, » dit-il lentement d'une voix un peu altérée, en fixant sur elle un regard d'une tendresse infinie. « Il doit y avoir un Dieu et une vie supérieure. » Et des âmes immortelles, puisqu'il y a des êtres comme vous. »